Juges chapitre 12. Or les hommes d'Éphraïm s'étant assemblés, passèrent vers le septentrion, et dirent à Jephté, « Pourquoi es-tu passé pour combattre contre les enfants de Ammon, et que tu ne nous as point appelés pour aller avec toi ? Nous brûlerons au feu ta maison, et te brûlerons aussi. » Et Jephté leur dit, « J'ai eu un grand différend avec les enfants de Ammon, moi et mon peuple, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez point délivré de leurs mains. Et voyant que vous ne me délivriez pas, j'ai exposé ma vie, et je suis passé jusqu'où étaient les enfants de Ammon, et l'Éternel les a livrés en ma main. Pourquoi donc êtes-vous montés aujourd'hui, vers moi pour me faire la guerre ? » Puis Jephté ayant assemblé tous les gens de Galaad, combattit contre Éphraïm, et ceux de Galaad battirent Éphraïm, parce qu'ils avaient dit, « Vous êtes des échappés d'Éphraïm, Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. » Et les Galaadites se saisirent des passages du Jourdain, avant que ceux d'Éphraïm y arrivassent, et quand quelqu'un de ceux d'Éphraïm qui était échappé, disait, « Que je passe », les gens de Galaad lui disaient, « Es-tu Éphratien ?» Et il répondait, « Non. » Alors ils lui disaient, « Dis un peu Chibolette », et il disait Chibolette, et ne pouvait point prononcer Chibolette, sur quoi se saisissant de lui ils le mettaient à mort au passage du Jourdain. Et en ce temps-là il y eut 42 000 hommes d'Éphraïm qui furent tués. Et Jephté jugea Israël 6 ans, puis Jephté Galaadite mourut, et fut enseveli en une des villes de Galaad. Après lui Ibtsan de Bethléem jugea Israël. Et il eut 30 fils et 30 filles, lesquels il mit hors de sa maison, en les mariant, et il prit de dehors 30 filles pour ses fils, et il jugea Israël 7 ans. Puis Ibtsan mourut, et fut enseveli à Bethléem. Après lui Elon Zabulonite jugea Israël, 10 ans. Puis Elon Zabulonite mourut et fut enseveli à Ajalon, dans la terre de Zabulon. Après lui Abdon, fils d'Iel, Piratonite jugea Israël. Il eut 40 fils, et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons, et il jugea Israël 8 ans. Puis Abdon, fils d'Iel, Piratonite mourut, et fut enseveli à Piraton, en la terre d'Éphraïm, sur la montagne de la Malécite.